La deuxième conférence internationale pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne a eu lieu en Allemagne du 23 au 27 novembre. Y étaient présents la délégation coréenne des Coréens d'outre-mer et personnalités de tous les paliers de différents pays, dont la Russie, la Chine, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, l'Autriche, la Tchèque, les États-Unis, le Canada et le Japon. La conférence a porté sur la composition des forces et le caractère des problèmes de sécurité du Nord-Est asiatique, l'influence de la stratégie de l'Asie Nord-Est des États-Unis, dont la situation régionale et la sécurité de la péninsule coréenne. Les orateurs ont dit notamment « Les États-Unis ont provoqué en 1950 la guerre d'agression contre la République populaire démocratique de Corée. Leurs menaces nucléaires continues ont entraîné la République populaire démocratique de Corée à posséder le nucléaire, d'où la confrontation nucléaire dans la péninsule coréenne. À l'heure actuelle, même le moindre conflit armé accidentel risque d'y dégénérer facilement en un conflit total et nucléaire. Il faut que les autorités sud-coréennes s'abstiennent de la dépendance des forces extérieures, de l'ambition de confrontation et de l'obéissance à la politique d'austérité américaine vis-à-vis de la République populaire démocratique de Corée, contrairement à l'esprit de la Convention intercoréenne. Le Japon ne doit pas empêcher la paix dans la péninsule coréenne en poursuivant la résurrection militariste. Les participants ont adopté une déclaration demandant la conclusion prompte d'un accord de paix coréen-américain. Le document demande le commencement immédiat du dialogue officiel entre la Corée et les États-Unis et souhaite la conclusion rapide d'un accord de paix ainsi que l'établissement des rapports diplomatiques normaux. Il déclare tenir annuellement ce rendez-vous international jusqu'au jour de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne et s'efforcer sans cesse pour atteindre cet objectif.